Hey Radio Campus, je suis Peter Solo de Vodgame. Ben, belle année, 50 ans c'est pas rien du tout. Et la force à vous, on vous soutient. Merci, merci beaucoup. La force. Votre attention s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'Angle d'Attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'Attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus et vous avez raison, puisque c'est maintenant l'heure d'Angle d'Attaque, l'émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Comme toujours aux manettes, Florent, maître du chrono, qui proposera la pause musicale et le calendrier militant. Ludovic, Quentin et moi-même comme animateurs de l'émission. Mais Christian ne sera pas avec nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, de quoi parlons-nous ? Eh bien, d'urbanisme. Notamment de l'urbanisme, ici dans la ville de Lille et sa métropole. Triste bilan, bétonisation, projets pharaoniques imposés, manque d'espaces verts, pollution et j'en passe. Face à l'urgence climatique, écologique et sociale, ne pensez-vous pas qu'il faut imaginer autre chose pour la ville de demain, pour la société de demain? La friche Saint-Sauveur, vous connaissez? Une belle opportunité pour la réalisation d'un vaste espace vert au sud-est de l'île. Mais pas seulement. L'association Parc, alors protection, aménagement, réappropriation collective du site de Saint-Sauveur, et ASPI, Association pour la suppression des pollutions industrielles, qui se battent pour la défense de ce site, proposent un projet alternatif. Nous les avons donc sollicités pour cette émission. Pour rappel, ils étaient déjà intervenus dans notre émission de janvier, consacrée à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors bonjour Bénédicte, qui est coprésidente de Parc, et merci d'être avec nous. Bonjour. Oui. Eh bien, voici déjà la première question. Ludovic, peut-être. Oui, alors pourquoi vous vous êtes intéressé donc à cette friche et à ce projet donc que porte la mairie donc que vous contestez? Oui, alors nous nous sommes intéressés à cette friche parce que nous sommes des habitants, nous sommes principalement des Lillois et nous vivons tous les jours dans une ville, alors je reviendrai là-dessus, mais une ville qui manque cruellement de nature, une ville qui se bétonise et ça, quand on habite Lille depuis longtemps, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'on voit les immeubles. En fait, ce qui pousse à Lille, ce sont des immeubles, ce ne sont pas des arbres. Et c'est vraiment flagrant sur le long terme. Donc nous sommes intéressés à cette friche parce que en centre-ville, c'était justement un grand terrain. Donc il faut rappeler les chiffres, hein, c'est 23 hectares en plein centre-ville. Donc un très grand terrain et pas utilisé, enfin utilisé par des habitants, mais pas très connu, connu quand même des associations écologistes également. C'est-à-dire que sur Saint-Sauveur, il y a eu des bilans écologistes, naturalistes, il y a eu des inventaires qui ont été faits. Donc moi, j'étais dans une association qui s'appelle Entrouliane, enfin j'y suis toujours, et c'est par ce biais-là aussi que je me suis approché de la friche Saint-Sauveur. Donc on savait que c'était un réservoir de biodiversité, que la nature avait repris ses droits sur Saint-Sauveur. Et voilà, donc c'est ce qui fait qu'on a commencé à s'y intéresser. Donc finalement, à la fois en tant qu'habitant, vivant dans une ville étouffante, donc, habitez, mais aussi en tant qu'association. Vous habitez tout près, en fait, ou non? Oui, enfin, bon, après... C'est assez varié selon les profils des uns et des autres, mais on habite à proximité. Alors il y a un certain nombre d'habitants qui sont directement riverains. Il y en a qui habitent Moulins, le quartier centre, voilà, Oisem. C'est assez varié. Je crois que Tom Jo de l'association Aspi vient d'arriver, donc il va prendre place parmi nous. Eh bien, bonjour Tom Jo et merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, donc l'élément déclencheur, quel a été en fait l'élément déclencheur pour la création de parc, c'est un peu donc oui, ce projet de la mairie. Est-ce que vous pourriez éventuellement peut-être rappeler un peu la chronologie peut-être de la. Oui, alors d'abord il y a eu Fête la Friche. Donc, Fête la Friche, c'était un collectif d'habitants qui avait pour objectif de faire connaître la friche à un nombre élargi de personnes, faire en sorte d'organiser des événements pour que les gens viennent sur la friche pour se faire une idée. Et puis ensuite, il y a eu un moment assez décisif, c'est qu'en 2018, il y a eu une enquête publique qui a présenté de nouveau le projet de la mairie, mais avec l'adjonction de la piscine. Et c'est à ce moment-là que on s'est dit que, de toute manière, vu ce qui se passait depuis plusieurs années, alors on y reviendra certainement, mais avec des concertations qui sont de pseudo-concertations, avec des retours, parce qu'il y avait eu déjà beaucoup de retours d'associations sur le projet, sans aucune modification, on s'est dit, voilà, il va y avoir l'enquête publique, et puis vraisemblablement, la ville et la MEL n'en tiendront aucun compte. Donc, à un moment, il faut qu'on soit prêt à aller au juridique. C'est le problème aussi, c'est que la ville ne tient aucun compte des recommandations des associations, mais aussi parfois de la préfecture. Oui, alors, en tout cas, nous, on l'avait vu les choses se produire depuis plusieurs années. Donc, on était prêts. Et donc, Parc a été créé en mai 2018. Au moment où, juste avant que le commissaire enquêteur rende son avis sur Saint-Sauveur. Oui. Et dans son avis, il faisait trois réserves dont la ville n'a tenu aucun compte. Et dès le mois de début juillet 2018, la MEL votait l'intérêt général sur Saint-Sauveur en ne tenant aucun compte des réserves du commissaire enquêteur. Et c'est là-dessus qu'on a attaqué au juridique. Oui, donc ça, c'est en octobre 2018, le tribunal vous a donné raison. Oui, alors en octobre, donc on a déposé deux recours qu'on a déposés en même temps. Donc un recours sur le fond qui n'a toujours pas été jugé et qui conteste l'intérêt général du projet. Parce qu'en fait, pour qu'il puisse y avoir modification du plan local d'urbanisme, il faut qu'il y ait intérêt général. C'est seulement au nom de l'intérêt général qu'on peut modifier le plan local d'urbanisme. Oui. Or, l'intérêt général, c'est un équilibre entre des coûts et des avantages. Or, nous contestons complètement le fait qu'il y ait un équilibre entre les deux, puisque pour nous, il y a beaucoup de coûts, mais il n'y a quasiment aucun avantage. Et donc, c'est ça que nous avons attaqué. Donc ça, c'est sur le fond, et ce sera jugé, on ne sait pas très bien quand, certainement dans les mois qui viennent. Et en même temps, on a déposé un recours en urgence, pour demander au juge de constater que les réserves du commissaire enquêteur n'avaient pas été levées. Et donc, le juge administratif nous a donné raison le 5 octobre. Et ce qui fait que, depuis, c'est gelé. Alors, la mairie a eu beaucoup de mal à intégrer ça, puisque dès le départ, les retours qu'on a eus, c'était que non, rien ne changeait au calendrier, enfin, ce qui était totalement aberrant, parce qu'à partir du moment où la justice gèle le projet, tant que ça n'a pas été jugé sur le fond, ils ne peuvent rien faire. Donc il y a eu tout un déni là-dessus, et seulement récemment, Martine Aubry a quand même reconnu, là c'est dans les dernières interviews, elle reconnaît, elle dit qu'il y a un moratoire de fait sur le projet. Oui, c'est d'ailleurs suite à un second recours que vous avez déposé, je crois, en septembre 2019, où final la question de fond, c'est-à-dire, n'ayant pas été traité, le projet est toujours gelé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a réattaqué, parce qu'il y a une deuxième délibération en juin, le 28 juin 2019. Suite au complément d'enquête publique. Voilà, exactement, suite au complément d'enquête publique. Donc, on a réattaqué. Et le juge administratif a débouté les deux parties, c'est-à-dire à la fois nous et la MEL, en disant, mais finalement, il n'y a pas lieu d'attaquer cette nouvelle délibération, puisque tout est suspendu au premier jugement. Ah oui. Alors pour nous, c'était une très bonne nouvelle, parce qu'en fait, ça voulait bien dire qu'il y a un gel de fait qui est reconnu partout, enfin aussi bien par le tribunal administratif, mais aussi par la MEL. Et c'est depuis que Martine Aubry reconnaît qu'il y a un moratoire de fait. D'accord. Une petite question pour revenir sur Parc. En fait, c'est un collectif d'associations, en quelque sorte. Pas seulement. C'est-à-dire, dans l'asso, on a 185. Alors, je suis obligée de faire monter les chiffres à chaque fois parce que on continue à recevoir des adhésions. Donc là, j'ai fait les comptes cette semaine. On est à 185 personnes physiques. Donc, ce sont des habitants, voilà, des citoyens, des Lillois. Et puis, on a aussi des associations. Donc, ça, en effet, c'est important de le mentionner parce que d'une certaine manière, Parc, c'est une fédération d'associations. Alors, ce n'est pas officiellement une fédération, mais donc il y a des associations qui sont personnes morales qui ont adhéré à ce titre. Et on retrouve dans ces associations, on retrouve donc l'ASPI, on retrouve donc le collectif Faites la Friche, on retrouve Entrolianes, Virage Énergie, on a Chérita, donc Chérita qui est une association d'artistes. On a Attaque. Attaque, bien sûr. On a les Amis de la Terre Nord et les Ça Profite. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien que les associations lilloises, enfin ce sont toutes des associations implantées à Lille, ont bien compris les enjeux énormes autour de la Friche Saint-Sauveur, que ce soit des associations plutôt environnementalistes, comme Entrolianes ou les Ça Profite, des associations à vocation culturelle comme Chérita, ou qui s'intéressent plutôt à l'aspect économique et social comme Attaque. Mmh. D'accord. Pour rappeler les points de blocage juridique aujourd'hui sur le projet, c'est alors parce que j'ai lu rapidement le manifeste, j'ai pas forcément tous les éléments en tête, mais pour le rappeler, c'est sur des problèmes de pollution, c'est sur les problèmes de prouver l'utilité publique du projet. En fait, c'est, juridiquement, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui a été retenu entre guillemets contre le projet aujourd'hui? Alors, ce que le juge a retenu pour le recours donc, qui a gelé le projet, c'était notamment le fait que les réserves du commissaire enquêteur n'avaient pas été levées. Il y avait trois réserves, une sur l'eau, une sur la pollution de l'air et une sur le fait qu'il fallait demander l'avis de l'Agence régionale de santé. Donc, oui. Il fallait un avis d'une autorité sanitaire. Donc c'est sur ça qui nous a donné raison. Maintenant, sur le fond, les arguments, on en a plusieurs, et c'est notamment la question de la pollution. Parce que vous savez, on pourra y revenir peut-être de manière plus systématique, mais que Lille, c'est une ville extrêmement polluée, que Saint-Sauveur se situe à un endroit qui est particulièrement pollué. On est déjà dans une ville ultra polluée, mais là, c'est un des endroits les plus pollués. On veut en plus construire la piscine précisément au coin qui est encore le plus pollué. Enfin, à chaque fois, on est à des niveaux de pollution. En plus, avec une fosse de plongée de 40 mètres qui en fait, transperce la nappe phréatique, je crois. Alors, qui ne transperce pas la nappe phréatique, mais qui fragilise la nappe de craie. Oui. À Lille, on a une grosse tension sur la ressource en eau. Donc, on a des arguments. Enfin, l'argument majeur, c'est la pollution de l'air. Et derrière, c'est la question de la densification à Lille qui ajoute à la pollution urbaine avec du trafic supplémentaire. Donc là, on est à peu près à 800 à 1000 véhicules, 8000 à 10 000 véhicules supplémentaires par jour dans des rues qui sont ultra saturées. Donc c'est surtout sur la pollution de l'air que le tribunal retient nos arguments. Mais on en a plein d'autres. sur la biodiversité. Je ne sais pas si vous voulez que je les détaille là, mais des arguments qui font peut-être moins, qui sont peut-être moins entendus, parce que c'est vrai que les tribunaux administratifs, c'est assez récent, qu'ils intègrent vraiment les problématiques environnementales dans leur raisonnement juridique. Mais pour nous, par exemple, la question, alors il y a la question de la pollution de l'eau, du risque de pollution de nappes phréatiques par fragilisation de la nappe de craie, mais aussi tout simplement le fait qu'on va avoir une piscine qui va multiplier par deux la consommation d'eau à Lille, sachant qu'évidemment, la piscine, donc Max Dormois, la piscine actuelle, est déjà la plus grosse source de consommation d'eau. Donc d'un côté, on est en restriction, on est en arrêté sécheresse depuis avril 2019. Donc ça, c'est le préfet qui a pris cet arrêté. On sait qu'on a une tension énorme sur la ressource en eau. Il y a le périmètre d'intérêt général des champs captants, qui est donc aussi déclaré normalement non constructible. Et de l'autre côté, on fait comme si on pouvait continuer à faire des grands projets qui demandent des ressources énormes, donc des ressources en énergie, des ressources en eau. Donc pour nous, ça nous semble totalement aller à l'encontre des évolutions dont on devrait tenir compte au niveau de la politique. Il y a ça. Et puis, il y a la question de la biodiversité. On n'arrête pas de dire, oui, la biodiversité s'effondre, c'est une catastrophe. On a 50% des espèces qui disparaissent. Et en même temps, une friche comme ça, c'est un vrai réservoir de biodiversité. Oui. Alors, la biodiversité, c'est pas... pour nous, ce ne sont pas que les espèces protégées. Des espèces protégées, sur Saint-Sauveur, il n'y en a pas énormément. Mais la biodiversité, c'est tout un ensemble de conditions... c'est un ensemble d'habitats qui permettent à des espèces qui sont chassées de partout, chassées par l'urbanisation, la densification, l'agriculture intensive, qui peuvent se réfugier sur ces zones-là. Et elles se réfugient de plus en plus dans les friches urbaines. Oui. Et comme les abeilles, par exemple. Les abeilles, les oiseaux. Il y a 27 espèces d'oiseaux, dont 21 protégées. On a trois espèces de chauves-souris, dont deux espèces protégées. Alors ça peut sembler, les chauves-souris, on s'en fout. Ben non, parce que quand on cumule tout, c'est ça qui fait qu'il y a un effondrement de la biodiversité. Et donc pour nous, c'est hyper important. Chaque espèce a un rôle écologique Système. Dans un système. Nous, on a une approche systémique de la biodiversité. Mmh. Alors que je me souviens de Martine Aubry à la réunion de septembre 2017, qui clôturait 2018, qui clôturait la phase de concertation, elle était toute fière de dire, d'un air un peu moqueur, elle se foutait un peu des écologistes en disant « Rassurez-vous, on va déplacer la linéaire couchée. Ah, » oui. Mais la linéaire couchée, oui, on va la déplacer à Roubaix, mais ce n'est pas du tout une approche systémique. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est toute la variété d'espèces, c'est tout l'habitat complexe qui s'est développé, et ça, on peut pas le... Le développer artificiellement ailleurs. Pour information, la linéaire couchée, c'est une petite fleur, je crois, rare. Oui. Qui est protégée. Qu'elle repoussait, là, justement, sur la friche. Alors, nous, celle qu'on a découverte, c'est l'ophrys abeille, qui est une espèce d'orchidée sauvage qu'on a identifiée sur le belvédère et qu'on a signalé à l'écologue de la ville, et ça a été intégré, du coup, à l'inventaire écologique. D'accord. Peut-être un petit point de votre action, notamment, a connu un certain succès dans les médias, je crois. On en a parlé dans Le Monde, à Mediapart, sur RTL. Qu'est-ce que... Sur Radio Campus, oui, entre autres. Dans La Brique, et Le Point. Et sur France Inter aussi. Et oui. Sur France Inter, et France Q aussi, ils ont fait un truc. C'est un succès. Libé, Le Monde, en ont parlé aussi. On leur a arraché des articles. Ouais. Et là, on a des interviews qui sont prévues à la rentrée, avec des médias nationaux, qui font des enquêtes sur les municipales. D'accord, oui. Parce que du coup, ça devient un enjeu au niveau des municipales. Ça devient parce que il y a pas que les Verts, ou il y a d'autres partis qui soutiennent aussi, j'imagine, le parc. Ça s'est vu au cours de la réunion publique, d'ailleurs. Mais peut-être avant, est-ce que vous pourriez nous, puisque Justement, puisqu'on nous reproche souvent de contester, mais de ne pas proposer, vous avez proposé. Vous avez produit un manifeste avec 6 principes. Est-ce que vous pourriez nous en parler et détailler un peu, peut-être, ces principes et pourquoi ce choix Je ne les ai pas en tête, moi, les principes, tous les oui, principes. Alors moi, je vais les détailler. C'est vrai que on a eu toute une phase de... On est toujours, d'ailleurs, en lutte. Parce que quand on a face à soi des décideurs politiques qui n'écoutent pas, on est obligé d'être en lutte. Et on est en lutte à la fois sur le terrain, en occupant l'espace. Donc ça, on a construit, on s'est installé. On a une... c'est pas une ZAD, mais enfin, c'est une ZAP, une zone à protéger sur laquelle il y a beaucoup de choses qui se sont installées. Après, il y a le volet juridique. Donc ça, c'est très important parce que je crois qu'on... Si on n'avait pas eu ce volet-là... on serait déjà en train de voir sortir des immeubles ah oui. de terre sur Saint-Sauveur. Et le troisième aspect, en effet, c'est l'aspect de proposer et de montrer que... on ne s'oppose pas pour s'opposer. On s'oppose parce qu'on pense qu'il faut vraiment autre chose pour Saint-Sauveur. Il faut utiliser cet espace autrement. C'est une opportunité pour penser la ville différemment. Et donc, on a réfléchi pendant plusieurs mois... plusieurs mois, même plus longtemps, parce que finalement, il y a tout le savoir des associations qui s'est intégré à notre réflexion, et les associations, elles connaissent ces sujets-là depuis très longtemps, et donc réflexion qui a permis de faire émerger un certain nombre de principes. Alors nous, on propose pas un contre-projet, parce que on a un ras-le-bol des projets. Le projet, c'est le truc qui ficelle tout, oui. qui stabilise. Il faut rappeler que c'est un projet, on prend le terme, mais en fait, tout est ouvert. Alors, donc c'est pour ça, nous, on ne parle pas de contre-projet. En revanche, on réfléchit à des principes pour changer de paradigme sur Saint-Sauveur. Parce que derrière Saint-Sauveur, c'est aussi une autre manière de penser la ville qui nous intéresse. Voilà, oui. Et donc, dans les projets, dans les principes, je ne vais pas forcément tous les développer, mais d'abord, pour nous, il nous semble évident que Saint-Sauveur, ça doit être un poumon vert. C'est-à-dire qu'il y a déjà la citadelle. Oui. On n'en a pas encore parlé, mais il y a un déficit de nature énorme à Lille. C'est 14 mètres carrés d'espace vert par habitant. Oui, 13 en dessous de la moyenne nationale, ouais, d'ailleurs. C'est 48 mètres carrés pour les 50 plus grandes villes de France. Donc là, on est à un tiers. Et en plus, c'est hyper concentré. C'est-à-dire que tout est à la Citadelle et à Vauban. Enfin, c'est oui. 75% des espaces verts, donc dans des quartiers qui sont très privilégiés. Et il nous semble évident que Saint-Sauveur, c'est l'opportunité d'avoir un deuxième poumon vert, un peu plus petit que la Citadelle, mais un poumon vert. Alors, qui serait pas, nous, on pense pas forcément un parc. En tout cas, on veut pas un truc aménagé. Il existe déjà ce poumon vert. C'est-à-dire qu'il y a déjà la nature a repris ses droits sur toute une partie de la friche. Le belvédère, c'est un espace de pleine terre qui existe depuis des dizaines d'années. On a des très grands arbres. Enfin, donc déjà, c'est tirer parti de ce qui existe déjà, et plutôt que de tout détruire, partir de l'existant. Donc, c'est notre deuxième principe. Là, j'ai énoncé deux principes, c'est-à-dire à la fois un poumon vert, mais un poumon vert qui part de l'existant, qui valorise la faune, la flore, tout ce qui a repoussé. Il y a déjà un bois, il y a une partie en fait, oui. de la friche qui est déjà un bois. Donc, toute la partie nord-est. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est deuxième principe, c'est tirer parti de l'existant. Donc déjà, se rendre compte que ce lieu, c'est un lieu de beauté. C'est un lieu qui a déjà de la valeur. Or, la mairie et la mêle, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont du mal à nous comprendre, c'est que pour eux, c'est un no man's land sans valeur patrimoniale. Là, je reprends leur terme. Oui, c'est pas marchandisable, monétisable. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc c'est un no man's land sans valeur patrimoniale. Alors pour nous, c'est évident que c'est un lieu qui a une beauté, qui a la nature qui est là et est magnifique. Il y a des points de vue incroyables. Enfin, du Belvédère, c'est le meilleur spot de l'île pour avoir une vue sur le coucher de soleil, par exemple. Et tout ça, ça a une valeur. Alors c'est une valeur qui est inestimable. Mais notre deuxième principe, c'est vraiment partir de l'existant et le regarder autrement, en révéler la beauté, et après l'accompagner aussi, évidemment, par exemple, intensifier l'aspect... on a déjà un bois, intensifier l'aspect peut-être forêt urbaine, en replantant. C'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire sur le Belvédère. Avoir des zones qui resteraient des zones sauvages, et pas avoir, enfin, plutôt qu'avoir des parcs paysagers qui sont conçus par des gens qui viennent même pas sur le terrain, qui travaillent sur carte. Voilà, non, nous, c'est, on part du terrain, on part de l'existant et, voilà. Et on le valorise. Donc ça c'est un deuxième principe. Troisième principe, c'est que Saint-Sauveur, quand on regarde la carte, on voit que c'est au sein d'un corridor écologique. Alors ça, c'était c'est les travaux de l'association Entrelianes qui travaille sur la biodiversité, la nature en ville et sur les corridors, enfin sur les continuités écologiques, et qui avait repéré que Saint-Sauveur est sur un corridor écologique qui est lié aux infrastructures ferroviaires, puisque c'était une gare ferroviaire. Donc il y a tout un corridor ferroviaire de voies qui sont abandonnées, mais qui permettent d'accéder aux zones du sud-est de l'île, et d'accéder à des zones comme le golfe public de Ronchin, par exemple, qui est un espace de nature qui est assez peu utilisé, assez peu connu, mais qui est en lien direct quand on regarde la carte. Donc pour nous, Saint-Sauveur, ça doit être un lieu qui permet de relier à la fois l'île au territoire de nature du sud-est, mais aussi ça doit être une porte nature, une porte d'entrée dans la ville, c'est-à-dire plutôt d'entrée dans l'île par le béton, parce que c'est ça en fait, quand on arrive à l'île maintenant, on est assailli par le béton, on pourrait rentrer par un espace de nature, un espace de respiration, et qui pourrait aussi relier les quartiers, c'est-à-dire il y a à la fois, là j'ai parlé de la périphérie vers Saint-Sauveur, mais il y a aussi Saint-Sauveur vers les autres zones, par exemple la rue de Solferino, enfin il y a JB Lebas, la rue de Solferino ou la rue Pierre Mauroy, qui permettent de relier, d'instaurer une continuité écologique jusqu'à la citadelle, par exemple. Oui, alors qu'actuellement, la friche fait plutôt coupure entre, par exemple, Saint-Sauveur et Moulins. On pourrait ouvrir une voie de circulation douce entre les quartiers pour favoriser justement les rencontres des habitants, etc. Oui. Tout à fait. Donc, c'est que Saint-Sauveur soit plutôt un lieu de rencontre, un lieu qui relie. Et donc, c'est un autre principe, c'est l'aspect en faire un lieu inclusif, un lieu solidaire et un lieu où il y a du commun. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais quand on. Enfin, le projet de la mairie, c'est un projet de privatisation. Tout à fait. C'est-à-dire que tout cet espace qui nous appartient. En fait, il devient privatisé avec 2500 logements. Les 2500 logements, une fois qu'ils existent, c'est plus un lieu, un espace qui nous appartient. D'ailleurs, il faut dire qu'au dernier conseil de la MEL, la ville a vendu un nombre d'hectares conséquent à la SPL, donc aux aménageurs. Donc là, on se fait déposséder, on est en train de se faire dépouiller de nos biens, de ce qui nous appartient. Et puis le dernier principe, je pense que Tom, tu peux en parler, c'est développer un lieu de culture, de production et d'échange. Oui, on avait dans l'idée effectivement de créer une coopérative sur Saint-Sauveur, mais surtout Saint-Sauveur, c'est-à-dire la partie en ruine, en friche, mais aussi la gare, qui est aujourd'hui sert de lieu d'exposition à l'île 3000. Et voilà, donc nous on se propose de faire une coopérative agricole, artisanale et culturelle, une coopérative agricole sur toute la friche, du maraîchage, enfin, qui permettrait de vendre éventuellement au restaurant de Saint-Sauveur, qui permettrait de vendre sur un marché, qui permettrait de vendre aux écoles, enfin voilà. Une coopérative artisanale avec des activités en lien avec celles qui seraient menées sur la friche. Donc, qui créerait tout ça une petite activité économique, mais qui serait cohérente avec le territoire wellness, c'est-à-dire pas un énième espace de coworking comme c'est prévu. Oui. Voilà. Et puis une coopérative culturelle, parce qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin de penser, d'imaginer, de développer des pratiques artistiques, etc. Et c'est super parce que le lieu existe déjà, c'est la gare Saint-Sauveur, avec son lieu d'exposition, le ciné. Voilà. Parce qu'on pense que l'île 3000 fait pas de la culture mais du divertissement et que ça coûte cher pour ce que c'est, quoi. Donc nous on propose un vrai projet culturel qui serait, on va dire, mu par les idées de l'éducation populaire, quoi. On apprend en faisant. Voilà. Et justement, donc ce manifeste, ces six principes, vous les avez présentés donc au cours d'une réunion publique. Donc c'était le 26 novembre à Sciences Po. on peut dire que ça a été un succès. Je crois qu'il y avait 150, au moins 150 personnes, ou à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Et tout d'abord, peut-être une question. Est-ce que c'était à l'initiative des étudiants de Sciences Po? Enfin, comment ça s'est décidé, cette réunion publique ou... Bon, c'est notre initiative. Puis on a rencontré un étudiant qui nous a fait le lien, qui a réservé la salle. Voilà. D'accord. Martine Aubry n'était pas très contente, je crois que ça se passe à l'IEP. Ah oui. Elle a appelé la direction pour gueuler. Ah, d'accord. Et alors, sachant qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à Saint-Sauveur, c'est-à-dire Sciences Po. On avait déjà fait l'année dernière, non, il y a deux ans, on avait déjà été invité à Sciences Po pour parler de la friche et de l'urbanisation. Du fait qu'on conteste en fait le modèle de ville qui était développé par Martine Aubry. Et on reçoit beaucoup de propositions, par exemple, d'étudiants de l'ESJ. À chaque fois qu'ils ont un sujet à faire, ils nous appellent. En fait, les étudiants sont très mobilisés parce que pour eux, c'est une évidence qu'il ne faut pas encore bétonner, artificialiser, et qu'il faut préserver cet espace-là. Oui. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait tout de suite eu le lien avec les étudiants de Sciences Po parce qu'ils se sentent très concernés. C'est vraiment la génération pour qui il faut qu'on change les choses. Voilà, oui. Je me permets, si on compare, en fait, il y a vraiment un côté... on est vraiment sur un grand projet qui va, pour le projet de la mairie, qui a un grand projet engageant, qui est issu de la MEL, qui se compte, alors je dis ça un peu en l'air, mais en dizaines ou en centaines de millions d'euros, parce que je crois que là, vous releviez dans le manifeste le montant du chiffrage de la piscine qui était excessif. Et d'ailleurs, c'est même le rapporteur, je crois, qui avait évoqué ce montant. Et en fait, il y a aussi dans l'alternative au projet un côté un peu modeste, mais pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens à quoi ça sert de viser toujours plus grand, toujours plus... Je ne sais pas comment terminer ma question. Est-ce qu'il n'y a pas globalement une confrontation de vision entre tout ce qui vient du haut, donc la MEL décide de ce qu'on va faire de ce lieu, et dans votre proposition, vous, quelque chose de plus modeste qui serait géré par les habitants autour du lieu? Oui. Oui, c'est ça. Modeste mais génial, comme disait une certaine émission sur France Inter. C'est-à-dire Daniel Mermet, pour ne pas le citer. Ah oui, c'est lui. C'est-à-dire que nos décideurs sont portés par l'idée de concurrence et compétitivité entre les métropoles. Donc c'est à celle qui fera le plus grand, le plus... etc. Mmh. C'est celui qui aura la plus grosse, hein, si on résume ça un peu bêtement. Et... avec le bassin le plus profond, parce que je crois que Martine Aubry voit grand pour le plus. En tout cas, c'est sûr. C'est vrai que... Oui, c'est vrai que nous, on remet en cause cette logique à la fois de compétitivité, d'attractivité entre les territoires, cette logique d'avoir toujours les plus grands équipements. Enfin, parce que derrière, par exemple, si on prend juste la piscine, c'est un grand équipement. Ce qui a été prévu, c'est... la première enquête publique 2018, c'était 70 millions. Et là, la deuxième enquête publique, enfin l'enquête complémentaire, moins d'un an après, on était déjà à 79,5. Donc on avait pris 10 millions en plus, comme ça, en quelques mois. Sachant que l'idée, c'est que, évidemment, si c'était fait, on arriverait certainement à encore une somme beaucoup plus importante. Mais on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes avec cet argent-là. On en a assez de ces grands projets. Voilà. Et nous, on est en effet dans une logique de sobriété, d'utiliser la dépense publique. Parce qu'en fait, on nous oppose toujours la question de la dépense publique, qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça parce que c'est cher. Mais en fait, quand on regarde ce qui est fait, où va l'argent? Si on regarde même sur l'île 3000, Tom, tu peux peut-être en parler, mais il y a encore une subvention là au dernier conseil de la MEL de 3 millions d'euros qui vient d'être votée pour l'île 3000. Pour 2022, oui. Voilà. 3 millions d'euros, enfin, c'est quand même énorme, pour, comme tu disais, du divertissement. Enfin, ce n'est pas de la culture, c'est du divertissement, c'est hyper kitsch. Enfin, ça ne fait pas du tout vivre les artistes locaux. Bon. Donc, nous, en effet, on conteste ça, cette dépense publique effrénée au nom de l'attractivité et de la compétitivité. Oui. Et justement, donc il y a eu le débat donc, au cours de la réunion publique. Il y avait différents représentants des formations politiques qui sont candidates aux municipales. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de leur déclaration, justement, quel enjeu représente Parc dans les municipales ? Est-ce que... Ben, nous sommes l'enjeu central des prochaines municipales. Le vote des Lillois se fera selon que les listes sont pour... Non, je force le trait. Mais en tout cas, c'est vrai que toutes les listes, tous les candidats se sont emparés de Saint-Sauveur et ils ont quasiment tous... Enfin si, ils se sont tous prononcés à propos de Saint-Sauveur. Et voilà. Et puis on voit que de toute façon, par exemple, je sais pas, la liste de Violette Spielboot s'appelle Faire respirer Lille. Enfin, on sent qu'il y a quand même un certain nombre de sujets qu'on a renvoyés sur la nature en ville, sur la pollution de l'air, sur la saturation, sur je sais pas, qui sont quand même repris par aujourd'hui quasiment toutes les listes. Et donc si on peut résumer, en fait, on a deux candidats qui sont ouvertement opposés au projet. Qui sont donc enfin deux listes en tout cas, celle de la France Insoumise et des Républicains, donc Julien Poix et Daubresse. Voilà. Ensuite on a des gens qui sont en même temps pour et en même temps contre, donc là c'est Violet Speedboot d'En Marche, donc qui veut un projet qui soit avec le même nombre d'habitants de construction mais en préservant au sol, donc en gros l'idée c'est de verticaliser, de faire monter les bars, qui est un projet voilà. Et puis on a et l'UDI, je sais pas comment ils leur liste, je sais plus, c'est les Lillois sont formidables, j'ai pas trop compris en fait finalement ce qu'ils pensaient. Et ensuite on attend toujours la position des Verts, voilà. Eux leur position c'est de dire c'est pas à nous de nous positionner, c'est aux Lillois de se positionner, donc en fait oui. Les Verts ne se positionnent pas, quoi. Alors après, il faut dire aussi qu'on a des politiques. Alors Thierry Pochet, là, c'est pour la liste de droite. Mais Thierry Pochet, il était déjà au conseil municipal. Il nous dit, et c'est ce que nous dit aussi la liste de Violette Spielboot, c'est oui, mais il y a déjà des travaux. Enfin, ça a déjà coûté un peu d'argent public, toutes ces études. Donc, en gros, c'est la logique, la politique du fait accompli, c'est... On n'est pas pour, enfin on est plutôt contre, mais vu qu'on est déjà engagé, on sera bien obligé de, par exemple, de faire la piscine, ce qui est une position politique très lâche. Et nous, ce qu'on répond, c'est que faut arrêter. Enfin, quand on est capable de donner 3 millions pour l'île 3000, on est capable de supporter quelques centaines de milliers d'euros liés aux études, aux enquêtes publiques, etc. On peut d'autant plus arrêter le projet, vu que là, rien n'est sorti de terre. On peut d'autant plus l'arrêter maintenant. Donc ça, ces politiques pas courageuses qui nous mettent devant la logique du fait accompli, c'est assez insupportable, parce qu'on a vraiment besoin d'autre chose. De toute façon, il y a une bataille qui se joue un peu là-dessus, quoi. C'est-à-dire que depuis le début, à chaque fois, on nous dit non mais c'est trop tard, ça y est, c'est parti. Ça y est, on peut pas revenir en arrière, ça y est, je sais pas quoi. Et même quand on gagne au tribunal, je sais pas, 15 jours après, 3 semaines après, ils arrivent avec les bulldozers et ils arrasent toute une partie de la friche pour faire comme si, c'est pas un problème, ça continue. Et ça, c'est un message qui est envoyé à la fois à nous, aux opposants, ou les potentiels opposants, pour les un peu démotiver, et puis aux investisseurs, aux promoteurs, et tout ça pour leur... On leur dit, vous inquiétez pas, ça continue. Enfin, donc il y aura toujours des gens pour dire non mais là ça y est, c'est trop tard, c'est parti, on peut plus rien faire. Enfin, et il faut pas se faire avoir tant qu'il y a pas eu une machine sur le site. Et il y a toujours moyen d'arrêter ce projet, quoi. Par rapport quand même aux intérêts financiers dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même dire que 2500 logements, enfin il y a 250 000, ce qui est prévu par la MEL et la ville, c'est 250 000 mètres carrés. D'espace construit. 250 000, vous multipliez par 4 000, qui est le prix moyen du mètre carré, on est à 1 milliard. Donc en fait, la valorisation, enfin il y a des intérêts financiers très puissants derrière, puisque finalement, pour les promoteurs, derrière, il y a 1 milliard d'argent à se faire autour de cette friche. Et nous, on est sur l'idée, non, conservons ce bien commun, faisons en sorte qu'il profite à tout le monde. Mais on sent bien qu'on est sur deux logiques très différentes. D'un côté, une logique financière, et nous, une logique de bien commun. Oui, et puis je pense que ce qui fait un peu le succès relatif, mais quand même, de notre lutte, et pas que juridique, vis-à-vis de l'opinion, mais aussi vis-à-vis de la presse, en fait, parce qu'on se rend compte que nos arguments, ils sont portés par la presse, ou relayés, c'est aussi qu'il y a un ras-le-bol, je crois, général de toutes ces constructions à Lille. Enfin, là, depuis 3-4 ans... De cette politique d'urbanisme. Ouais, voilà, de densification, faire monter des immeubles en béton et qui sont moches et qui saturent tous les espaces de circulation. Mais ouais, voilà, entre la porte de Valenciennes, Bois Blanc, la Madeleine, la partie lilloise qui touche la Madeleine, et d'autres, enfin, et même l'hypercentre. Justement, peut-être une dernière question ou une conclusion, je ne sais pas. Comment imaginer la ville de demain? Comment l'imaginez-vous? Non seulement au plan de l'organisation, une ville parsemée d'espaces verts, ce serait une ville à la fois résiliente face aux risques d'effondrement qui nous menacent. Ce serait une ville aussi où les gens participeraient activement. Je ne sais pas si vous pouvez... Vous avez des choses à dire ou à propos vos visions, les visions que vous avez, je sais pas. Peut-être c'est déjà une ville qui est débarrassée de ceux qui font la ville aujourd'hui. Et puis ensuite on va réfléchir, mais c'est vrai qu'il faut se débarrasser effectivement de la SPLR à Lille, de Lille 3000, des gens qui gouvernent cette ville depuis combien de temps maintenant? Trop longtemps. Ensuite, on peut commencer à réfléchir. Quoi. Déjà, il faut ouvrir un peu l'espace. C'est ce qu'on fait un peu sur Saint-Sauveur. Là, on a mis le pied dans la porte. Et seulement maintenant, on peut se dire, tiens, on pourrait réfléchir à ci et ça. C'est un peu... Après, c'est dur de faire des plans hyper arrêtés, mais c'est un peu tout ce que tu as dit. Ouais, voilà. C'est aussi arrêter cette logique de métropolisation. Parce que tout ça, enfin, tout ces logiques de ville là, qu'on conteste, c'est quand même très lié à la métropolisation, c'est-à-dire à des territoires comme ça, enfin, des inégalités de territoire qui se sont accrues. D'un côté, des métropoles qui deviennent de plus en plus grosses, qui bataillent entre elles pour être la plus grosse métropole du Nord, qui se disent en concurrence les unes avec les autres, et sans que les décideurs n'intègrent jamais la question des limites physiques du territoire. Les limites physiques, c'est de l'air, de l'eau, de la nature. Enfin, je veux dire, à un moment, on ne peut pas entasser les gens comme ça et les activités indéfiniment sur un territoire sans que ça ait des conséquences. Et voilà, donc derrière notre réflexion, il y a ça aussi, c'est arrêter ces logiques de métropolisation, avoir des politiques beaucoup plus équilibrées en termes d'aménagement du territoire, réfléchir à la question des transports. Alors je sais que ça attaque, vous êtes très... Oui, aussi. Vous avez toute une réflexion là-dessus, mais on ne peut pas... réfléchir à ces questions si on n'intègre pas tout ça, la logique des transports, de quel type d'activité, est-ce qu'on a aussi envie d'être dans une métropole qui est uniquement sur des activités tertiaires, avec des travailleurs qui viennent, et des sièges sociaux, de multinationales, est-ce que c'est ça aussi le type d'économie qu'on a envie d'avoir? Enfin, nous, de notre point de vue, non. Bon, on va s'arrêter là-dessus et pour une pause musicale. D'accord. C'est fini. Alors. Vayas a engañar, ahora que somos poder, al triunfar solo recién. La ville est un jardin. jardin. L'hélicoptère de la sûreté qui criait au-dessus des toits. Il y a longtemps qu'il est posé, rouillé très loin d'ici, parmi les fleurs. Finalement, les retombées n'auront pas fait trop de dégâts. Et je crois bien que dans quelques années sera fini le grand danger. Ma vie est un jardin. Au bout d'une branche glacée, une feuille comme un doigt, comme une pensée timide à pousser, tout comme un cri du cœur. Les chiens, les rats se sont calmés, les cris des mourants se sont tus. Et je pourrai bientôt me promener au long des rues sans pleurs. Ma ville est un jardin. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu passer un Boeing dans le soir. Et les oiseaux ne sont pas revenus, allez savoir pourquoi. Les armatures des buildings sont comme des arbres tordus. J'ai cru apercevoir une voisine dans une cave. Ma ville est un jardin. Il faudra qu'une de ces nuits je me glisse dans sa rue, que j'aille jusque vers elle sans bruit, que je la tue. Ma ville est un jardin. Ma ville est un jardin. Donc c'était Michel Buller, Ma ville est un jardin, et donc on va passer aux activités d'attaque. Oui, alors tout d'abord au plan national, mobilisation contre Amazon à l'occasion du Black Friday. Alors un petit bilan, plus d'une cinquantaine d'actions à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Grenoble et Lille bien sûr, mais aussi dans des villes de moindre importance, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Beauvais, La Ciotat, Gap, Albertville, etc. Des blocages d'entrepôts à Brétigny-sur-Orge, Montélimar et Lewin-Planck, près de Douai. Le blocage du siège d'Amazon à Clichy, de nombreuses librairies mobilisées. Pour la première fois en France, nous avons réussi à faire entendre un autre son de cloche pour le Black Friday. Et nous appelons à poursuivre et amplifier les actions en faveur du développement d'une économie locale créatrice d'emplois, génératrice de liens sociaux tout en étant compatible avec les impératifs économiques. Après le succès des mobilisations du 17 décembre, poursuivons le combat contre la casse des retraites. Pas de trêve pour les fêtes. Édouard Philippe et Emmanuel Macron s'entêtent. Le successeur de Jean-Paul Delevoye, Laurent Petrozowski, fut aussi le rapporteur de la loi travail à l'Assemblée nationale. Après avoir cassé le code du travail, il est donc maintenant en charge de la casse des retraites. Pour durer, le mouvement de défense de notre système de retraite a besoin de la détermination des grévistes, toujours très forte, mais aussi de la solidarité des autres salariés et des citoyens et citoyennes. Attac soutient toutes les initiatives de manifestations, grèves et blocages prévus dans les jours qui viennent. L'important est de poursuivre la mobilisation, toutes et toutes ensemble, pour continuer encore plus déterminés en janvier. Attac dénonce les violences policières et exige le respect des libertés publiques. Depuis plusieurs années dans les quartiers populaires et ces derniers mois dans les manifestations et mobilisations pour la justice sociale et climatique, le gouvernement a recours à une répression policière sans précédent. Il a fait le choix d'équiper les forces de police et de gendarmerie d'armes de guerre que sont les flashballs et les grenades de désencerclement, avec pour conséquence des blessures graves, des mutilations et au moins un mort. Par ailleurs, au nom d'une législation constituée au prétexte des luttes antiterroristes et anticasseurs, nombre de jeunes des quartiers populaires et de manifestantes et manifestants subissent des poursuites judiciaires, des condamnations pénales lourdes, des expulsions administratives. Attac s'élève contre cette dérive autoritaire et liberticide et salue la démarche commune de la Ligue des droits de l'homme et du syndicat des avocats de France à travers les observatoires des pratiques policières. Attac exige l'interdiction définitive des flashballs et des grenades GLI F4 ou similaires dans le cadre du maintien de l'ordre, ainsi que l'abrogation des lois sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme et anticasseurs, et le strict respect de nos libertés publiques fondamentales et droits constitutionnels. Au plan local, donc toujours Amazon et le Black Friday, donc au niveau local, samedi 30 novembre, comme annoncé dans l'émission le matin même, les trois comités locaux attaque de la métropole ont relayé l'action nationale par un rassemblement avec déploiement de banderoles et prise de parole aux portes de Ralil. Un groupe de militants de Greenpeace est venu renforcer notre initiative. Nous avons également manifesté devant deux lockers d'Amazon, relookés pour l'occasion. Alors c'était à la gare de l'Île-Flandre et rue du Molinel. Devant la gare, un militant a décrit l'action de la veille à Douai, à Loing-Plank plus exactement, où il a participé au blocage de l'entrepôt de 6h à 16h. Collectif transport gratuit. Nous poursuivons notre campagne de porte-à-porte pour un référendum d'initiative citoyenne dans le quartier du Cul du Four à Roubaix, les 11 et 25 janvier 2020. Et le lundi 13 janvier 2020, dans le cadre du projet Attac Université, est prévue une première rencontre avec les étudiants de Sciences Po pour une enquête de terrain sur la mobilité des habitants. Également, trois dates à retenir. La 7e cérémonie des doigts d'or, présentée par le pape 40 et le cardinal AAA de l'église de la Très Sainte Consommation, que tout le monde connaît, je pense. Ce sera le jeudi 16 janvier 2020 au théâtre Sébastopol à 20h. Ouverture des portes dès 19h15. C'est en partenariat avec l'ANV COP21, Alternativa, Extinction Rebellion, Attac et avec la participation de la ZAP Saint-Sauveur que nous avons reçue ici. N'oubliez pas de réserver vos places. Enfin, le 27 janvier, ciné-débat au Méliès autour du dernier film de Marie-Monique Robin, Nouvelle Cordée, sur les territoires zéro chômeur, avec la présence de Marie-Monique Robin et de Jean Gadret. C'est en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique, ATD Carmonde et Attac. Donc, 7 février, un débat proposé par les Amis du Monde Diplomatique et Attac sur le thème « Faut-il réindustrialiser la France ?» à la suite de l'article de Jean Gadret paru dans Le Monde Diplomatique de juillet dernier. Présence de Jean Gadret et de Gabriel Colletis, qui préside l'association Manifeste pour l'Industrie. Ce débat aura lieu dans les nouveaux locaux de l'AMRES, 5 rue Jules de Vic, à Fives. Et enfin, nous apportons notre soutien à la grève de Radio France. Voilà. Oui, la grève de Radio France, oui. Je vais rajouter quelques dates. Donc, cet après-midi à 15h, si vous n'êtes pas en manifestation avec les Gilets jaunes, une conférence et discussion avec Pierre Jaillette, enseignant-chercheur à la retraite de l'Université Lille 3, spécialiste de l'histoire antique. Donc, ça sera la chute de Rome, une histoire sans fin. Chute de Rome, point d'interrogation, fin d'un empire, point d'interrogation, fin d'une histoire, point d'interrogation. Depuis l'école primaire, on entend que l'Empire romain se serait écroulé face au coup du boutoir des invasions barbares, entre guillemets. Et donc, cette lecture viendra largement nuancée. Et je rajoute le jeudi 9 janvier à 19h30, projection rencontre Irizina, le cri de la génération climat à Lille. Donc ce documentaire retrace via l'histoire des mouvements non violents et citoyens Interatiba et Action non violente COP21 une aventure collective d'engagement et d'enthousiasme partagé tout en rappelant l'urgence d'une mobilisation indispensable et massive face au dérèglement climatique. Et on se retrouvera aussi le 9 janvier dans les manifestations contre la réforme des retraites, hein, comme d'habitude, à 14h30, Porte de Paris, à Lille. Donc, merci. Et donc, la prochaine émission est le 18 janvier, avec Oncle Dantac. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Comme l'éther, pur comme le feu, solide comme la terre, fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre, fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu, fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. De nos galères et des potes, des coups de sang énormes, du poing sur les épaules, à la lumière de nos torts, de nos erreurs et des vôtres, à la folie de l'époque, à tous les fruits de nos révoltes, à nos rêves qui se vautrent, au monde qu'on nous a laissé, aux idées, aux comports, dans les tripes de nos âmes blessées, aux notes qui s'endorment, la haine au ventre, nos rêves d'enfants, à l'air, aux formes, à fond. Voici que reviennent les sauvages, secouer ceux qui dorment dans leur cage, tomber nos sorts, que nous brisent et aussitôt. Sur nos voiles, les poumons pleins de rêves, laissez passer les sauvages et au-delà de vos lois, comme l'amour, comme le temps, comme la mort, comme le vent, comme la vie, comme le grand, bienvenue dans la création, cachée que ce n'est pas la vôtre, libre enfant de Dieu, ce n'est pas votre faute d'or que l'on adore sous les canons des ordures. Nous ont mis du plomb dans les ailes, alchimistes, on en a fait de l'or pur, dites-leur qu'on ne dort plus, que leur monde est tordu, qu'on évite les torpilles de leur psychique torture, même si ça vous importune, on porte une cause, amis d'infortune, déploie tes ailes et deviens qui tu es. Oh, oh, oh. Voici que oui, alors sur l'agenda, j'ai oublié de vous préciser les lieux, ce qui est un petit peu embêtant. Donc la chute de Rome, une histoire sans fin, c'est à la médiathèque du Vieux Lille, hein, place Louise de Bitigny à Lille. Et pour le jeudi 9 janvier, sur la projection, c'est, je vais vous redire ça, c'est à Lille Moulin, c'est toujours à l'Univers, hein, 16 rue Georges Dorton à Lille. Merci, et je vous laisse avec Traverse. Hein.